Comité contre la nourriture, comité contre la nourriture, comité contre la nourriture, comité contre la nourriture, chères mesdames, de 19 ans et demi, si vous pouviez arrêter de râler quand je vous invite chez moi à manger, sorry Tony, je mange pas ci, je mange pas ça, pas de viande, pas de lait et pas d'œuf, pas de miel, pas de glace, pas de fromage, Tony. Écoute-moi, il faut que tu le saches désormais, je suis rebelle et je fais partie du comité contre la nourriture, comité contre la nourriture, comité contre la nourriture, comité contre la nourriture. J'ai vu un reportage sur internet où on voyait des poussins en train de mourir dans un glauque abattoir d'Israël, et ensuite ils se transformaient en nuggets. Tu sais Tony, quand tu croques dans ta part de pizza au jambon, tu ne penses qu'à toi, et même tes pâtes bolognaise carbonara, c'est une honte pour la race humaine. Tony Chou, fais-moi plutôt des carottes, des poivrons, ou bien je change de pote. Et même si tu m'aimes depuis 3 ou 4 ans, tu ne vaux pas tous les veaux que j'aime tant. Désormais, je suis rebelle et je fais partie du comité contre la nourriture, comité contre la nourriture, comité contre la nourriture, comité contre la nourriture.